I can see the fear up in your eyes, realize you could die in the instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching, I can see him p***ing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching, I can spend him digging up like a flag on my own and keep persisting. That's how you end up in the hit list. In a bad man business, no evidence. Rhyme seen fingerprintless, flow effortless. Casual like the weekend, no pressure when we're comfy and decent. Set this off beasting, hunting season. And frankly speaking, word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Gun can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your Jews on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on it. Word is out, hysteria you heard about. Nas and Junior Gun can't turn it out. Body the verses till I scream murder out. The kings is back, time to return the crown. Who won it? Tuck your chain with dude coming. Renegades that appeal your back like new hunters. Bet your Jews on it, you don't wanna lose on it. Either move on or move on. As We Enter, c'est le sublime duo composé du rappeur Nas et de Damian Junior, le fils de Bob Marley. J'ai tué le shérif. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. J'ai tué le shérif. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Toutou galak. Bien. Après cette magnifique reprise d'une chanson de la star jamaïcaine, il est temps dès à présent à 11h11 de célébrer ensemble les modestes péripéties laïques de ce 200e épisode du Manche à Palace, qui s'ouvre bien sûr avec la petite session freudienne de Monsieur Divan Beaujelet. Et ce matin, nous avons choisi, figure-toi, de nous concentrer exclusivement sur ce terrible complot digne d'un vaudeville et qui aurait menacé notre République. Ciel, mon mari. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. En direct du Mangin Palace. Waouh. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Parlez-moi franchement. L'Élysée porte plainte contre le JDD, notre confrère, au sujet d'une affaire de rumeurs. Oh mon Dieu. Rachida Dati serait inquiétée. Votre regard sur cette histoire. Ok. D'abord, pour vous dire les choses, je ne sais de cette histoire que ce que j'en ai lu, comme tout le monde. Disons, des conneries ultra sensibles. Donc, pas grand-chose. Deuxièmement, ça me paraît être assez rocambolesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, j'ai lu que Rachida Dati s'indignait de ces allégations. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Les démentait. Vous pouvez me montrer les ceintures qui vont avec? Et j'en ai pris acte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, sinon d'entendre cela? Il dit qu'il est obligé d'assurer ses arrières. Alors, l'affaire, on l'aura compris, est ultra sensible et plusieurs proches du président y voient presque une affaire d'État. Aujourd'hui, on n'a ni orage ni tempête. Pierre Charron, le conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez sa dernière? Non. Parlait ce week-end d'une espèce de complot organisé avec des mouvements financiers. Je sais pas, scientologue ou un truc de ce genre. Ou nazi. De mieux en mieux. Ou terroriste. Quant à maître Thierry Herzog, autre proche du président, il n'exclut pas une machination visant à déstabiliser le couple Sarkozy. Machination par intérêt personnel ou intérêt financier. En attendant d'en savoir plus. Faut prendre des mesures énergiques. Oh d'accord. Lesquelles? Comment lesquelles? L'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, serait directement visée. Si jamais il me retire mon permis, je te jure que tu vas le regretter. François Hollande a un commentaire sur cette rumeur. Je sais bien ce que tu vas me répondre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qui pollue, si je puis dire, le débat politique actuel de l'après-régional. Ça n'a rien à voir. J'ai pas dit que ça avait un rapport. Plus rien ne paraît normal dans le système tel qu'il est devant nous exhibé. D'abord, leur histoire, elle craint. Est-ce que c'est la fin du feuilleton? Je le souhaite, car il devient presque dramatique, pas risible. Oh, pardon. Dramatique pour ce qu'il révèle du fonctionnement de nos institutions. Je sais, moi aussi ça m'a dégoûté. Et puis quand les Français ont tant de problèmes, tant de soucis, que la crise continue de frapper. Ah, je vois. Savoir s'il y a un complot ou pas par rapport à telle ou telle rumeur, si c'est telle ou telle personne de l'entourage du président de la République ou une ancienne ministre, tout cela paraît dérisoire, si ce n'était pas un signe de la décomposition même du système du pouvoir. Oui, et on n'a pas fini de s'amuser. Résumons, les rumeurs sur les supposés problèmes du couple présidentiel, insignifiants. Oh, c'est pas vrai. Un complot, aucunement. Je croyais que tu l'avais compris. Rachida Dati, pas de problème, elle reste notre amie. Une enquête des services secrets diligentée par l'Élysée sur ces rumeurs, Absolument pas. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Voilà, signé Carla Bruni, épouse Sarkozy, au micro de nos confrères d'Europe 1. Une entreprise de déminage qui se heurte à un sérieux problème. Tu veux que je la pique, ma crise de nerfs, hein, c'est ça? C'est que les services de renseignement affirment encore qu'il y a eu enquête. Bien entendu, vous me refaites tout ça pour la semaine prochaine, messieurs. Alors, quittons maintenant ce mauvais théâtre de boulevard et profitons de cette 200e émission pour essayer de définir ce que sont réellement la gauche et la droite. Avant tout, connais-tu l'origine de cette bipolarisation politique? Eh bien, figure-toi que le 28 août 1789, les membres de l'Assemblée constituante étaient en train de se maraver la face pour savoir s'il fallait accorder à Loulou, roi des Français, un droit de veto. La cacophonie fut telle que le président de séance, dans l'espoir de trancher bien sûr, décida de séparer les deux camps pour compter les uns et les autres. À sa droite furent installés les députés favorables à l'autorité royale, rien à voir avec Ségolène, hein, sinon on va s'y perdre. Enfin bref, et à la gauche du président de l'Assemblée s'installèrent les députés qui, eux, souhaitaient voir le roi privé de tout contrôle politique. Résultat, la droite fut désormais le siège des conservateurs et la gauche, elle, fut associée aux forces du progrès démocratique. Et voilà comment est né notre bel échiquier politique. Cela dit, certains observateurs aiment nous faire croire qu'aujourd'hui, ce clivage issu de la Révolution française tend à disparaître. Pour moi, ces notions de gauche et de droite sont totalement dépassées. Oui, je sais que je fais sourire ma petite Régine, la gauchiste de la famille, mais personnellement, j'ai toujours été socialiste et partisan d'une économie libérale. Il y a des sensibilités et des courants d'opinion, bien sûr. Et heureusement... En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la fin des idéologies et des systèmes. Et ça, c'est important. Oui, mais c'est vrai que... À partir de quoi? Mais sommes-nous assez adultes politiquement, hein? Nous devrions dégager un large consensus national. Ne coupons pas la France en deux. Non, je suis navré, ma petite Régine, mais sans consensus, pas de Limousin, pas d'Occitanie, pas d'Hexagone et pas d'Europe, c'est clair. Mais vous n'avez rien mangé. Vous n'aimez pas la crème renversée? Non. Vous voulez un fruit, peut-être? Non, non, merci, vraiment. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Ah non, pas du tout. Au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. C'est vrai, c'est tout un art de débiter des vérités premières. La rapidité des répliques... timbre des voix, ça devient comme une sorte de musique rassurante. Oui, ou inquiétante pour certains, tant il est question en réalité de liquider la gauche lorsqu'on affirme que les clivages politiques n'existent plus. Mais revenons à la Révolution française, car vois-tu, la véritable séparation idéologique s'est opérée après le clash entre Danton et Robespierre. La République n'est pas encore instituée sur des bases solides. Et au lieu de m'aider, Danton, au lieu d'être à mes côtés, d'utiliser toute ta force, qui est immense, tu me regardes seul, m'acharner. Mais la révolution a atteint son but, Robespierre. Tu les souffles et tu la tues à vouloir aller au-delà, toujours au-delà. Non. La révolution est en marche. Elle a encore un long chemin à parcourir. Et tu veux l'arrêter, et réduire à néant tout ce que nous avons déjà accompli. Nous avons fait la révolution contre tous les abus. Non. Contre tous les abus. Non. Nous avons fait la révolution pour l'égalité des droits. Demain, mon fils, s'il en a le courage et les capacités, peut devenir maréchal de France. C'est ça notre victoire. Voilà le triomphe de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, oui. Mais pas la liberté d'opprimer les déshérités. Pas la liberté de corrompre par le vice. Certes, la vertu totalitaire de Robespierre fut ensuite atrocement meurtrière et il est parti en sucette, pépère. Mais au fond... il n'avait pas tort sur un point crucial. Sans l'égalité des droits, la liberté d'entreprendre n'est qu'une monstrueuse machine à fabriquer de la misère sociale. Tel fut le cas tout au long du 19e siècle, il suffit de penser à Germinal d'Émile Zola. C'est ainsi que depuis deux siècles, deux visions du monde s'opposent, du plus haut sommet de l'État jusqu'au joyeux déjeuner en famille. Bernard, un peu plus? Non, non, merci. C'est très bon, ça me change à la cantine. À propos, le travail, comment ça va? Avec tout ce qu'on entend. Oh, c'est sûr. Ah non, mais c'est dur, hein, comme d'habitude. Bah, je veux dire, les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Les parents, ils n'ont pas le temps de s'en occuper, alors c'est la crise, quoi. C'est... Oui, la crise, à l'abandon, la crise. Hein. En venant, on était encore emmerdés par des SDF. Oui. Et c'est toujours les mêmes. Alors, je sais pas s'ils sont sans domicile fixe, mais en tout cas, ils sont toujours au même feu rouge. Ouais, on leur a tout de même donné quelque chose parce que c'est dimanche. Mais on devrait pas, je suis sûr, ça les incite. Bien sûr, hein. C'est sûr. Ah bon. Et quand on est chômeur aujourd'hui, comment on fait? Oh, attends, il y en a que ça arrange bien de ne pas travailler. Ouais. Non, mais c'est vrai, beau papa. Non, mais c'est vrai, il y a chômeur et chômeur. Je suis désolé, c'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Non, je sais pas. Mais la précarité de l'emploi, ça existe pas, peut-être. Mais je le vois bien avec les jeunes aujourd'hui, on les envoie à l'abattoir. Non, mais attends, mais toi, t'es fonctionnaire. Oui, alors. Quand on a un site, on a la sécurité de l'emploi, non? Oui. Et alors, prof, pas un site, excuse-moi, s'il te plaît. Attends, il a peut-être la sécurité de l'emploi, mais il peut pas s'acheter une Mercedes, lui. Non, et puis j'ai pas envie de m'acheter une Mercedes, moi, c'est incroyable, ça, mais je suis très bien comme ça, moi. Pourquoi gagner toujours plus d'argent, toujours plus, ça sert à quoi? À faire peut-être des cadeaux un peu plus présentables. Oh, qu'il soit pas de poche ni de. Vous n'allez pas recommencer comme la dernière fois? Oh, oui, si on parlait d'immigration. C'est papa qui a raison, il y a trop de noirs en France. Ah, voilà. Pas moi qui l'ai dit. Et voilà comment au sein des familles se reproduisent les schémas de pensée sociaux et politiques. On inculque aux mômes de gauche que la vie est injuste et qu'il faut se battre pour réduire les inégalités afin de faire triompher la dignité humaine. Et puis, ben, à droite, on enseigne les choses différemment aux enfants. Ouais, Kevin et Julien, lycée Janson de Sailly, Paris 16. C'est un message aux maghrébins, hein. Je vous préviens, si vous rendez pas le pull à Kevin, hein, et si vous arrêtez pas de nous embêter, eh ben nous, on va faire une descente dans votre lycée, hein. Je veux dire, putain, c'est pas parce qu'on a tout et que vous avez rien que vous avez le droit de... Allez vous faire fiche! On vous ennuie. Va te faire voir chez les Turcs, Arabes, sales Grecs, salauds. De véritables teignes. Ici, dans le 16e arrondissement, on les voit régulièrement, ces gamins, dans le quartier. On les adore, avec leur sape à 2000 boules. Cela dit, poursuivons, et surtout n'oublions jamais que certains Français ont toujours refusé de choisir un camp, ni de gauche, ni de droite. Enfin, mais c'est ce qu'on appelle la troisième voie. Alors, de quoi s'agit-il, précisément? En gros, tu cours, mais personne ne sait pourquoi. C'est de ma faute aussi. Je sais jamais si je dois aller avec la droite ou... avec la gauche. Et toi, tu ferais quoi à ma place, Valérie? Oh mon Dieu! Vous devez rester au centre, le centre. Le centre? Avec vos tripes, François, le centre. Le centre! Le centre! Le centre! Le centre, eh ben, comment dire, c'est le centre. Voilà. Néanmoins, le centre voit parfois passer du monde devant sa fenêtre, car il y a des transfuges d'un bord à l'autre. Il arrive qu'un socialiste, par exemple, puisse épouser les thèses de l'extrême droite, comme Pierre Laval dans les années 30. A l'inverse, un homme de droite peut également passer à gauche, comme ce fut le cas de François Mitterrand, très lucide d'ailleurs, face aux attaques de sa famille politique d'origine. Depuis 40 ans qu'ils me font la chasse, j'ai eu le temps de m'interroger sur cette haine à mort qu'il me voue. Et j'ai trouvé la réponse. Je ne suis pas un ennemi traditionnel, un juif intellectuel comme Léon Blum ou un fils d'ouvrier comme Torres. Non. S'ils me haïssent tant, c'est parce que je suis un traître. Je viens de chez eux. Je les connais bien. La droite déteste qu'on la trahisse. Alors... la droite n'aime pas qu'on la trahisse. Quant à la gauche, trop souvent, elle est infidèle à ses idéaux. Voilà deux aspects qui nous permettent de différencier un peu plus les deux pôles de notre échiquier politique. Mais est-ce vraiment suffisant pour se forger une opinion? Eh bien, pour ce 200e épisode, dans cette émission où nous sommes réellement passionnés par l'histoire politique, voici pour toi ce matin une autre définition de la gauche et de la droite, tout en subtilité, où chacun, sans doute, y verra plus clair. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un gros con de droite d'un gros con de gauche? Non. Quand vous chiez, vous avez beau chier proprement, tirer la chasse et tout. Très souvent, dans la cuvette, il y a de la merde qui reste. Cette merde qui reste, qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes, il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, qu'est-ce qu'il fait? Le gros con de droite, il laisse sa merde et il se débile. Il s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière. Mais alors que fait le centre? lorsqu'il quitte le trône ? Je te laisse réfléchir seul à cette question existentielle fondamentale. Quoi qu'il en soit, nous vivons heureusement en démocratie et chacun a le droit de défendre sa vision du monde. D'ailleurs, que la vie serait triste et fadasse si la gauche et la droite n'existaient plus. Au passage, il n'est nullement question d'ennemis, mais d'adversaires, dans le respect de l'esprit républicain. Pour le reste, chaque camp est convaincu qu'il a raison. Alors, pour finir, nous devrons sans doute nous en remettre au jugement de Dieu lorsque nous nous pointerons face à lui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon ben, je sais pas au ciel, mais ici, sur la terre, qu'est-ce que t'as fait ? Moi, depuis hiver 54, il travaille avec les pauvres, il les aide. Où que t'étais, toi ? Tu foutais quoi ? Oui, alors déjà, je ne vous ai pas agressé, alors gardez un peu votre calme, hein. Je n'ai pas créé les hommes pour en faire des assistés. Je n'ai pas vocation à aider éternellement ceux qui ne veulent pas s'en sortir par eux-mêmes. Non. Mais qu'est-ce que c'est que les têtes de camp ? Vos insultes n'y changeront rien. Il faut être réaliste et pragmatique. Il faut s'adapter. Et puis je vais vous dire une chose. La religion, aimez-la ou quittez-la. C'est vraiment une tête de camp, hein ? Calling yourself a romantic, let me explain. Been across the whole Atlantic and back again. I had it with your antics, your childish games, baby. Love Long Distance, c'est l'amour de loin que te propose le groupe Gossip. Mais l'amour à distance, on sait bien comment ça finit. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Je l'ai rêvé si fort, que les draps s'en souviennent. Alors maintenant, à 11h28, poursuivons ensemble ce rêve éveillé que nous vivons grâce à vous depuis maintenant 5 ans. Et pour ce 200e numéro de La Panique au Mangin Palace, rejoignons tout de suite notre Bernard l'Ermite qui nous attend planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Et justement, jeudi dernier, dans le maelstrom des voix des archives de la radiodiffusion française, ce fut la panique. Eh oui, nos fantômes ont perdu leur sang-froid. Alors tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons perdu notre sang-froid. Tout a commencé jeudi soir, alors que nous préparions tranquillement l'anniversaire de Panique. Nous avions déjà les guirlandes, les cadeaux Il nous manquait seulement quelqu'un qui voudrait bien sortir du gâteau en chantant « Happy Birthday to You, Panic ». Et c'est là que tout s'est compliqué. Car le dieu Pan, en personne, s'est porté candidat. Imaginez le tableau, un satyre sortant d'un gâteau. On a des personnages qui se sauvent en arrière-plan et on a un satyre particulièrement cornu et avec particulièrement des pattes bouquines. On a donc un satyre ou Pan qui souffle dans une grande trompe. Et c'est évidemment l'idée de terreur panique. C'est vrai que Pan était le mieux placé pour émoustiller la foule des invités. La panique se produit lorsque des hommes se trouvent en face d'une situation de danger imprévue à laquelle ils ne peuvent répondre en fonction de conduite préparée à l'avance et uniforme. Le facteur fondamental est moins, dit-il, le danger qui est perçu que la surprise, qui interdit des réactions rationnelles et adaptées. Mais notre épopée n'était pas terminée. Il a ensuite fallu passer par la commission de sécurité. Jean Bouvier, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro d'Interactualité Sampé, le cruel dessinateur bien connu. Oui, il publie en effet chez De Noël La Grande Panique. Oui, tout à l'heure, Sampé essayait d'imaginer comment on pouvait sortir à toute vitesse de la maison de l'ORTF. Oui, il n'arrivait pas à ouvrir les portes. Il était obsédé, là, une fois de plus. Vous allez faire un album. Alors, oui, non, c'est ça qui est angoissant. Par exemple, même pour les choses les plus simples dans la vie courante, c'est vrai, vous vous trouvez devant une porte à la maison de la radio, vous ne savez pas s'il faut pousser, s'il faut... Et là, Roland Topor s'est révolté contre les préventions de la commission, en créant immédiatement un groupe de soutien à Pan. Tu rencontres Arabal et Jodorowsky. C'était en 63. Voilà. Et vous créez le groupe Panique. Oui. Et ben avec Arabal, comme on aimait ce que les autres n'aimaient pas et trouvaient nul, c'est-à-dire les films noirs, le twist, il aimait le Monopoly, les jeux cons, le flipper, et un certain nombre de choses qu'on aimait. Il aimait Beckett et puis on aimait Lewis Carroll et des Chalet Médecins. Et ces choses n'étaient pas sérieuses, n'existaient pas. Alors on s'est dit pourquoi pas trouver une étiquette qui désignerait à la fois ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Alors on cherchait du côté de grotesque, de burlesque, mais c'était pas vrai. Et finalement, on a vu Jodorowsky. Je crois que c'est Jodorowsky qui a trouvé ce mot panique. Mais enfin, disons que c'était une blague. Une blague très sérieuse. Des cornes commençaient à pousser sur la tête de Roland Topor, qui ne se laissait pas perturber. Disons que c'était pas du tout, on n'a jamais eu l'idée de faire un groupe pour être à quelques-uns, à 4-5 pour se défendre. On a eu l'idée de faire une espèce d'amicale des cœurs solitaires, ceux qui rentrent pas dans les trucs. Et finalement, tous ceux qui rentrent pas dans les cases sont assez font des choses bien, souvent. Et simplement, comme ils sont seuls, ils sont plus vulnérables, plus faibles. Donc c'était une façon de, pas rassembler, mais de servir toutes ces énergies. Tu as l'air de dire que Panique n'est pas mort parce qu'il n'a jamais existé. Oui, parce qu'on a toujours dit Panique, c'est les gens. C'est incarné et ça ne peut pas exister en dehors des gens. Donc, dans la mesure où il y a des gens qui se réclament du mot Panique, eh ben, ça continue. Maintenant, on était tous d'accord. Pan serait notre héros. Il ne nous restait plus qu'à l'annoncer aux journaux. Ok, Bernard, c'est à vous. Ok. Allons-y. Est-ce qu'on a le feu vert de Ménard? Oui. De Berthier? Oui, c'est bon. Et de Choulet? Oui, c'est bon, ils sont tous au courant, ils sont d'accord. Ok. Non, parce que pour ce message, il me faut l'aval de la direction, on est bien d'accord? Oui, c'est bon, ils sont tous ok, c'est bon. Je ne serai pas le bouc émissaire, est-ce que vous avez les autorisations? Oui. Bon, alors apportez-les-moi immédiatement. Oh, non. Putain, c'est pas possible. Ok. Attention, hein. Je n'irai pas au casse-pipe, hein. C'est même pas la peine d'y penser. Mais on est à l'antenne, là. Ah, mais je m'en fous. Moi, je peux pas tout prendre sur mes épaules, hein. Je suis pas un kamikaze, hein. Bon, alors j'en suis où, moi? J'ai mon hoquet ou est-ce que j'ai pas mon hoquet? Oui, c'est bon. De toute façon, je m'en fous. De toute manière, ce sera vous le méchant. Ah, oh, putain, je vais me le faire. Merci beaucoup, Flora Bernard. Vraiment beaucoup, car sans vous, la panique n'aurait pas le même son. Mais je vois avec stupeur que la pendule nous indique 11h33. Alors filons illico vers nos actualités locales et foutraques, car voici notre décrochage régional, direction Crouboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, il est temps de retrouver nos deux héros récurrents, Monique, qui chatouille, et Jean-Claude, qui gratouille. Et cette semaine, c'est merveilleux. La panique va te balancer du lourd car spécialement pour notre anniversaire, Monique et Jean-Claude se sont lancés dans la création radiophonique. Oui, ils ont construit une émission de radio qui répond au joli nom de Panique au Gros Boule Palace. Et comme d'habitude, c'est Jean-Claude qui s'occupe de l'introduction. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Gros Boule Palace 200e épisode. Bienvenue à toi dans ce monde archi loufoque et total foutraque où l'élégance mélange n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 11 avril 2010, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. On est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Gros Boule Palace. Alors bien sûr, tu montes le son et t'entendras mieux. Boys, boys, boys. Ainsi, tu l'as compris, Monique et Jean-Claude vivent eux aussi la panique, non pas au Mangin Palace, mais au Gros Boule Palace. Et eux aussi se vautrent confortablement pour amorcer leur modeste péripétie laïque avec la petite session lacanienne de Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude. Alors, comme il se doit, en route maestro, tend bien l'oreille et amène le son. Vas-y, bazar. Le président de la République aura tout loisir aujourd'hui de prendre de la hauteur sur cette affaire. Il sera en Haute-Savoie. C'est la visite annuelle sur le plateau des Glières en hommage à la Résistance. À 11h, il se rendra à la nécropole de Morette pour assister à une cérémonie militaire. Puis... Et c'est nous qu'on paye. Enfin, bain de foule au Petit Bornan. Sympa la soirée d'hier, mais comment récupérer ma robe? Et dégustation d'une fondue savoyarde. Et avec sa nouvelle formule élimination d'odeur, vos toilettes resteront propres et fraîches. Et fuck la prof d'anglais. Et voilà, la panique au Gros Boule Palace, c'est parti. L'émission suit la trame de sa cousine du Mangin Palace. Alors Jean-Claude, installé dans le studio pirate qu'il a bidouillé dans sa cave, fait tout comme nous, il balance des sons décalés sur les actualités du moment. Mais bon, Jean-Claude a de la retenue, car il sait que, selon l'avis de certains ministres, rire du physique des gens, ça ne se fait plus. On a des hommes politiques que le monde entier nous envie. Oh, il y en a des biens, hein. Comment il s'appelle l'handicapé mental, là? Avec l'entonnoir? Michel Debré. Alors, hé hey, voilà, tu es bon, balèze, hein, tout fripé. Ben, c'est le pinard, ça attaque. Au début, puis après, ça détruit. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a le bénet. Le canouet, pardon. Canouet. C'est lui, il est pas... On voit bien, il est pas fini, hein, canouet. Enfin, on sent qu'il y a de la place dedans, quoi. On pourrait habiter à plusieurs encore. Le canouet, il l'appelle, il y en a qu'un. Ah ben, on veut bien nourrir celui-là, mais on va pas faire un élevage non plus, hein. Pas déconner. Eh ben, ça promet. Car dans son émission parodique grosboulaise de la panique au Mangin Palace, Jean-Claude suit notre petite liturgie et balance un deuxième disque de musique populaire. Allez, musique ! Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le plongeoir, c'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Oui, voilà. Après ce deuxième disque de la panique, il est évidemment l'heure de rejoindre Monique, plus Marge Simpson que jamais, tel un gros bigorneau planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de la médiathèque Tata Yo-Yo. Alors, tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut Gros Boulet de l'audiovisuel. Voici, je suppose, le terrible bigorneau. Bigorneau ! Qui demande la parole ? Cette semaine, à la médiathèque de Gros Boule les Bains, on n'était pas tôt. Alors on a écouté les archives de la radio. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Je le sais pourtant que notre amour est impossible, me paraît policier. Et moi, je suis la cible. Mais j'en ai rien à foutre, c'est psychologique. Notre amour vaut bien une nuit chez les flics. Merci beaucoup, gros bigorneau. Et Jean-Claude annonce aussitôt qu'il est l'heure de rejoindre les actualités foutraques afin de retrouver ses héros récurrents. Votre Colin, avec ou sans patate? Non, sans rien du tout, pomme de terre. Ah, hola, c'est Xavier. Est-ce possible la porta? Gracias. Eh oui, ils sont comme ça, Monique et Jean-Claude, dans leur émission La Panique au Gros Boule Palace. Ils ont inventé deux personnages improbables, Philippe et Xavier, deux potes de régiment, à qui ils font vivre des aventures incroyables. Tiens, par exemple, cette semaine, un peu outré des guili-guili faits à Benoît XVI, Monique et Jean-Claude ont inventé une incroyable histoire où leurs deux héros se convertissent à une religion exotique. Judaïsme ? Islam ? Bouddhisme ? Non, pire. Regarde ces pauvres cons de catholiques, ils pondent des flopés de gosses à la con qui ne sont même pas foutus de nourrir. Et nous sommes quoi, nous ? Protestants, et foutrement fiers de l'être. Et pourquoi est-ce qu'ils font tellement d'enfants ? Parce que chaque fois qu'un couple a un rapport sexuel, crac, ils ont un bébé. Ah oui ? Mais parce que nous sommes membres de l'église protestante réformée qui a su se libérer de la puissance autocratique qu'exerçait la papauté au milieu du XVIe siècle, nous sommes autorisés à porter des gadgets qui empêchent la catastrophe. Et le protestantisme ne se borne pas à permettre la capote simple. Oh non ! Je peux porter des capotes à plumes ! Et d'ailleurs, à l'occasion du 200e épisode de La Panique au Mangin Palace, Jean-Claude et Monique ont la plume alerte pour construire leur propre émission de radio qui, bien entendu, se poursuit avec le petit reportage « Made in Panique » à eux. Car ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour Elsa, la fille de Monique et Jean-Claude, c'est... Eh bien, je te laisse te découvrir. Avec les lettres W, je forme le mot « Wacht ». Deux consonnes, deux voyelles, B-I-T-E. Le phallus n'est pas le pénis, mais justement cette sorte d'organe du commandement, ce sceptre. Tu vois ça ? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Quand vous dites phallus au lieu de dire pénis ou verge, vous faites engouffrer dans ce phallus tant de valence et de potentialité symbolique que nous sommes très loin de la vie sexuelle. Moi, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Aucun commentaire. Alors, pour finir leur panique au Gros Boule Palace, et afin de compléter au mieux leur petit tour d'horizon déjanté de l'actualité, Monique et Jean-Claude disposent, comme il se doit, d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et Freddy, le beau-frère de Jean-Claude, s'est chargé de feuilleter la presse pour nous cette semaine. Coucou Freddy ! Salut Jean-Claude ! Wesh Bouboule ! Bah ouais, ça va ouais. Alors qu'est-ce qu'elle dit la presse cette semaine, collègue ? Eh bien Jean-Claude, j'ai bien tout lu la presse pour vous et cette semaine, le Républicain Lorrain nous parle de la place Stanislas à Nancy parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint Stanislas et Stanislas, pas de voir des saints. Voilà. Bon, sinon, dans le Gros Boulet Libéré, on a la réponse à la phrase mystère des mots croisés de dimanche dernier. C'était le renoncule derrière l'église. Et puis, dans le Parisien aujourd'hui en France, la recette du jour, c'est des nouilles sautées. Voilà, à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine, Monique et Jean-Claude, valeureux personnages à qui nous avons fait vivre 200 aventures tout de même assez frappées. Et le mot de la fin de cette panique au Gros Boule Palace, il faut bien sûr le laisser à Jean-Claude. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne retenez rien. Ils couinent encore, ces salauds-là. Bien, après cette étrange parodie que viennent de nous offrir les Gros Boulets, nous sommes toujours en direct du Mangin Palace et à 11h43, il est temps désormais de retrouver notre authentique petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple n'a rien à voir avec un phallus, puisqu'il s'agit ce matin du vocable « palace ». L'occasion était trop belle en cet anniversaire pour ne pas évoquer maintenant ce lieu que nous essayons de réinventer chaque dimanche matin. Alors pourquoi un « palace » ? Eh bien parce que nous avons naïvement estimé qu'ici au moins le luxe peut appartenir à tout le monde. Ainsi, par l'intermédiaire de notre ami François Morel, un client d'honneur et régulier de notre panique, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qu'est à ses yeux un palace. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. Trois consonnes, trois voyelles, palace. Palace, le palace. qu'il soit Mangin, qu'il soit Savoy, c'est le grand luxe, la vie facile, les belles américaines et les jolies françaises. C'est les années 50, éternelles. Les comics s'appellent Darry Cole, les personnages de fiction s'appellent les Micochones et les palais sont des palaces. Le palace, qu'il soit de l'avenue du Général ou de la promenade des Anglais, c'est le faste, c'est la splendeur ostentatoire. Et de la bouche trop maquillée d'une ancienne star du muet, ce sont les éclats de rire qui dégringolent comme son collier de perles semi-précieuses qui tomberaient une à une sur les marches de l'impressionnant escalier qui mène au grand salon. La nouvelle réceptionniste, est-ce que tu peux me dire où est son tatouage et ce qu'il représente ? Pourquoi tu me le demandes à moi ? Tu es le seul qui l'ait vu nu. Et c'est pas la peine de le nier. Ben nous a dit que tu l'avais mise dans ton lit. Le palace, qu'il soit celui des rendez-vous de Philippe Collin ou du duc de Windsor, de la duchesse de Noailles ou du grand chambellan, c'est la nuit embrumée, c'est la matinée attristée, les fauteuils club, les cigarettes américaines, les grands whisky, les belles pépées, les gros cigares, Corona, Churchill, Figurado, c'est les cocktails et les dry martini, les mojitos, les daiquiris, les pina colada et les cosmopolitan, les Bloody Mary et les Bellini qui se mélangent dans les élixirs et la fumée de la mélancolie. Allez, ce sera pas long. Oh, enfoiré. Palace, qu'il soit de la France Inter ou de la France éternelle, c'est le petit personnel, les voituriers et les soubrettes, les grooms et les garçons d'étage, les stagiaires et les assistants. Ça vous plaît ? C'est formidable. Les ingénieurs et les techniciens, tous baissant les yeux, mais tellement fiers d'appartenir à une si grande maison, palace. Le palace, qu'il soit Mangin, qu'il soit Gaumont, c'est le rêve, messieurs, dames. C'est un écran panoramique. C'est des ouvreuses affriolantes du cinéma pour samedi soir, du souvenir pour le dimanche matin. C'est un orchestre fabuleux. Ce sont les attractions, les plus grands artistes du monde. C'est un spectacle permanent. Nous avons eu des problèmes avec des chaînes porno sur le câble en Allemagne. Vous vous rendez compte que l'hôtel a essayé de nous les faire payer 3 fois le tarif normal ? Une pareille erreur n'arriverait jamais ici. Palace, qu'il soit Gaumont, qu'il soit Mangin, c'est de l'émotion, du rire, des larmes. Mangin, Palace, c'est du rêve à portée de la main. Je fréquente ces endroits climatisés depuis assez de temps pour savoir comment ils tournent. C'est la meilleure pompe à frites qu'il m'a jamais été donné de voir. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, évidemment, nous remercions chaleureusement François Morel pour ce magnifique texte qu'il nous a écrit. Et sache que tu peux retrouver son immense talent poético-burlesque tous les vendredis matins chez Nicolas Demorand à 7h53. Par ailleurs, François Morel fut bien sûr la clé de voûte de la troupe des Deschiens, mais n'oublions pas non plus qu'il fut également le groom du palace de Jean-Michel Ribe, un groom prénommé Alfred et sacrément déjanté. Alfred ! Alfred ! Madame ? Qu'est-ce que j'apprends ? Vous auriez découvert l'Amérique ? Marché sur la Lune ? Inventé la vapeur ? Fait du pédalo sur la mer de glace, engrossé la reine de Suède. Oui, non, pas de Suède, du Danemark. Ah, du Danemark. Elle est très jolie. Oui. Alfred ! Voilà ! Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie. Tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire encore quand je te dis, je ne vois plus que toi, toi, toi, toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, toi, toi, toi et le soleil. Nous avons passé le temps des yeux rougis et tout le mal nous l'avons oublié. Un arc-en-ciel a remplacé. Je ne vois plus que toi. Toi et le soleil, c'était le roi Claude François, la pop, c'est lui. Et sache que dans cette chanson, Toi et le soleil, Claude s'adressait bien sûr à Colbert et à Louis XIV. Colbert, ne croyez pas que je sois insensible à vos remontrances. J'en fais grand cas précisément. Pourtant, il est un point sur lequel, mon ami, je ne vous suivrai pas. Et ce point, c'est Versailles. Car Versailles sera tel que je l'ai conçu. Et je suis convaincu que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, celui qui règnera sur la France d'alors saura le préserver des injures du temps. Le président de la République a été victime d'un malaise hier pendant un footing dans le parc du château de Versailles. Pourquoi vous courez ? Vous faites ça pour la paix dans le monde ? Vous faites ça pour les sans-abri ? C'est pour le droit des femmes que vous courez ? Ou pour l'environnement ? Ou pour les animaux ? Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Ah Philippe, évidemment, ne nous en privons pas. C'est la panique dans la presse cette semaine. Et oui, sans doute à l'occasion de ce 200e numéro de la panique au Mangin Palace, j'ai relevé quelques sympathiques clins d'œil dans la presse. Et pour commencer, c'est l'hebdomadaire L'Express qui, à sa une, offre de gagner un an de vie au palace, je vous assure. Bon, bah, il s'agit en fait d'un jeu concours organisé par une grosse pointure des casinotiers et des potentats de l'hôtellerie de luxe. Sans doute une charmante anticipation de la part de L'Express à l'ouverture officielle des paris en ligne qui annonce sous peu la délicieuse invasion sur nos écrans d'ordinateur de ces pompes afriques que sont les jeux d'argent, qui ne sont en aucun cas des jeux de hasard, car on sait déjà ceux qui vont s'en mettre plein les fouilles. Eh oui. Alors pourtant, il ne faudrait pas mal comprendre les intentions de L'Express et penser que ce magazine accompagnerait la politique de consolidation des grandes fortunes françaises. Bon, c'est connu, un barbier rase l'autre, mais L'Express, cette semaine, dénonce les injustices sociales et titre, en grosses lettres, « Retraite, les vrais privilégiés ». Et oui, L'Express balance à sa une qui sont ces monstrueux personnages, il y a la liste. Hein. Les grands patrons, les parlementaires, et puis surtout les fonctionnaires, la SNCF, la RATP, EDF, l'Outre-mer, voilà. Merci L'Express, surtout ne changez pas et continuez à nous offrir des vies de palaces. Merveilleux. Alors tiens d'ailleurs Philippe, puisque nous parlons de palaces, je me suis précipité sur un magazine spécialiste du genre. Spirou, évidemment, Spirou, oui. Un vrai groom de palace, avec son joli calot, son costume rouge et son magazine qui en est à sa 73e année et son 3756e numéro. Hein. Il y a du boulot. Hein. Ah ouais, on a l'air de gamins, nous, avec nos 200 numéros. Là. Et dans le magazine Spirou de cette semaine, je remarque la délicate attention. On trouve une histoire de Spirou et Fantasio intitulée Panique en Atlantique. Ah. Et merci à eux. Alors, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Spirou est en service sur un paquebot, il sauve le monde et il rencontre une bourgeoise totalement nymphomane qui drague tout le monde, Spirou, les matelots, tout ce qui passe, et qui fout des coups de pied à son clébard en beuglant « tu vas la fermer, sale cabot », charmante. Bon, alors, le capitaine du navire, pendant ce temps, n'a qu'un mot d'ordre, tous au canot de sauvetage. Très Élysée, hein, ça plouffe, on coule. Bon, Ardette, d'ailleurs, Philippe, autre clin d'œil à la panique cette semaine, c'est dans le Canard enchaîné, dans la rubrique plouf, justement, de Jean-Luc Porquet, qui commence sa chronique par ces mots, panique à bord. Ah, eh oui, alors, on pourrait s'attendre à une mauvaise nouvelle. Eh bien, non, cette panique, c'est celle des publicitaires, depuis que la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris a relaxé les membres du collectif anti-publicité des déboulonneurs. Eh oui, ils étaient poursuivis pour avoir barbouillé les panneaux publicitaires avec ce slogan terrible « Stop à la propagande marchande ». Eh bien, dans sa grande sagesse, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas là de quoi fouetter un barbouilleur et qu'il s'agissait seulement d'une manifestation de leur liberté d'expression. Hein, bonne nouvelle. Voilà, pour ces anti-publicités, la moitié du million de panneaux publicitaires en France ne respecte pas la loi de 1979 sur la publicité extérieure et sur les enseignes. Alors d'ailleurs, cette semaine, question publicité, une grosse publicité a été faite autour d'une histoire boulevardesque, une rumeur d'État, vous avez suivi ça un petit peu. Oui. Oui. Bon, moi, ça m'a conduit tout de suite à prendre l'hebdomadaire devenu, sans le vouloir, le canard le plus éclairé sur les questions politiciennes du moment. c'est Nous Deux, le magazine de romans photo. Bon alors attention, avant de lire Nous Deux, je me suis précipité sur La distinction critique sociale du jugement de Pierre Bourdieu, qui traîne toujours sur le bureau là, et j'ai vérifié dans le graphique numéro 5 de l'espace des positions sociales et des styles de vie. Le roman photo et les histoires sentimentales, c'est capital culturel moins. Hein, voilà. Alors quand le roman photo est politique, c'est capital culturel moins moins. Alors Philippe, Nous Deux, cette semaine, bah, nous offre un roman photo intitulé « Scandale à la une ». La triste histoire d'un promoteur accusé de malversation, Yves, dont l'épouse se jette dans les bras de Patrick, qui ne résiste pas à ses charmes. Tiens, vous savez qui joue le rôle de Yves ? Non, dites-le-moi. Eh ben, c'est Daniel Ducruet. Eh oui, spécialiste du scandale extra-conjugal. Et dans ce roman photo, spécialiste de la mono-expression faciale. Alors, j'étais totalement absorbé par l'histoire. Hein. Page 78, Yves revient des États-Unis. Page 79, Yves demande que les journaux cessent de le calomnier. Page 80, c'est palpitant, ça dégouline de sentiments. Et page 82... À suivre la semaine prochaine. Ah, déchirement, mon dépit fut immense. Mais à la page suivante, la page 83, donc, on peut se consoler avec l'horoscope. Voilà. Il est de quel mois, le président, déjà ? Janvier. Oui, c'est ça, Verseau, donc. Alors, amour. Le côté autoritaire et l'énervement de votre partenaire risquent de vous agacer, d'où des disputes et des rapports de force. Travail. Attendez avant de prendre une décision et parachevez plutôt ce que vous avez commencé. Santé. Mettez-vous à la relaxation. Voilà. Eh, il y a des politiques qui font pire. Ah oui. Voilà, bon. Écoutez, Philippe, plus j'y pense et plus je me dis que cette rumeur qui frappe injustement nos dirigeants n'est rien d'autre qu'un sympathique clin d'œil à l'anniversaire de la panique au Mangin Palace. Car le mot d'ordre cette semaine, à l'envers et en verlan, était « C'est la panique, alors nique pas ». Merci beaucoup, monsieur Maudit, pour cette joyeuse chronique et à la semaine prochaine de retour avec vos journaux sous le bras. Voilà, fin du 200e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace, une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Pascal Baldassari et de Cédric Lalanne, merci beaucoup à vous deux. Et clin d'œil à toutes les équipes techniques d'Inter qui nous aident beaucoup à produire toutes ces émissions. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à cette formidable équipe. Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les Scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de l'INA et à Marie Bertin, notre stagiaire. Merci aussi beaucoup à Véronique Augereau et à Philippe Pétieux, les authentiques voix françaises des Simpsons. Et surtout, merci à vous toutes et tous, car si nous en sommes à la 200e, c'est avant tout grâce à vous. La journée continue sur France Inter après le Flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et Sam Crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve bien sûr dimanche prochain en direct pour la 201e. Mais avant cela, rendez-vous samedi dans notre cellule de dégrisement, toujours à 11h sur France Inter, avec de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Eh ben quoi, on fait pas une deuxième prise, bibiche? C'est en direct, Homer. Comment ça? C'était en direct, je te dis. Ouh, punaise, c'était en direct? Mais je savais pas que c'était en direct. Eh, franchement, je l'imite bien le président Chirac, non? Oh.